la douleur de Cosette était, à son insu même, entrée en convalescence. Un jour, elle pensa tout à coup à Marius. « Tiens, dit-elle, je n'y pense plus. » Dans cette même semaine, elle remarqua un fort bel officier de lancier. À dater de ce moment, presque tous les jours, elle le vit passer. Le beau lieutenant. Il s'appelait Théodule Gillenormand. C'était précisément l'instant où Marius descendait, alors gravement, vers l'agonie et disait « Si je pouvais seulement la revoir avant de mourir. » Dans la première quinzaine d'avril, Jean Valjean fit un voyage. C'était en général, quand l'argent manquait à la maison, que Jean Valjean faisait ses petits voyages. Plusieurs soirs, Cosette crut déceler une présence, mais elle ne vit rien. Un soir, de ce même mois d'avril, Jean Valjean était sorti. Cosette remarqua la place qu'elle avait quittée, une assez grosse pierre qui n'y était évidemment pas l'instant d'auparavant. Il y avait dessous une enveloppe de papier blanc. Lettre sans adresse, sans nom, sans date, sans signature, pressante et désintéressée, message d'amour fait pour être apporté par un ange et lu par une vierge. Ces pages, qui pouvait les avoir écrites? Cosette n'hésita pas une minute. Un seul homme, lui. Le jour s'était refait dans son esprit. Comme elle achevait la lettre pour la troisième fois, le lieutenant Théodule revint devant la grille et fit sonner ses éperons sur le pavé. Cosette le trouva fade, niais, sot, inutile, fat, déplaisant, impertinent et très laid. Le soir venu, Jean Valjean sortit. Cosette s'habilla de la manière qui lui allait le mieux. Elle arriva au banc. Tout à coup, elle a eu cette impression indéfinissable qu'on éprouve, même sans voir, lorsqu'on a quelqu'un debout derrière soi. Elle tourna la tête et se dressa. C'était lui. « Pardonnez-moi, je suis là. J'ai le cœur gonflé. Je ne pouvais pas vivre comme j'étais. Je suis venu. Avez-vous lu ce que j'avais mis là sur ce banc? Me reconnaissez-vous un peu? N'ayez pas peur de moi. Voilà du temps déjà. Vous rappelez-vous le jour où vous m'avez regardé? C'était dans le Luxembourg. Et le jour où vous avez passé devant moi? C'était le 16 et le 2 juillet. Il va y avoir un an. Et puis, vous avez disparu. L'autre soir, j'étais derrière vous. Vous vous êtes retourné, je me suis enfui. Je crois que je vais mourir. Si vous saviez, je vous adore, moi. Pardonnez-moi, je vous parle. Je ne sais pas ce que je vous dis. Je vous fâche, peut-être. Est-ce que je vous fâche? » Elle lui prit une main et la posa sur son cœur. Il sentit la lettre qui y était. Il balbutia. « Vous m'aimez donc? Tais-toi, tu le sais. » Et elle cacha sa tête rouge dans le sein du jeune homme, superbe et enivré. Il tomba sur le banc, elle près de lui. Il n'avait plus de parole. Les étoiles commençaient à rayonner. Comment se fit-il que leurs lèvres se rencontrèrent? Un baiser, et ce fut tout. Ils se regardaient, et ils avaient le cœur plein de pensées. Peu à peu, ils se parlèrent. Ces deux cœurs se versèrent l'un dans l'autre. Quand ils eurent fini, quand ils se furent tout dit, elle posa sa tête sur son épaule et lui demanda « Comment vous appelez-vous ? » « Je m'appelle Marius, dit-il. Et vous ? » « Je m'appelle Cosette. »